Activité 8. 1. Allô? C'est Sylvain. Rappelez-moi. Mon numéro est le 06 41 12 71 39. 2. Bonjour, c'est Robert. Peux-tu me rappeler au 03 21 96 55 41? Merci. 3. Notez mon numéro de téléphone. 04 83 72 11 29.